precious memories, selecting souvenirs and living life the way we please. In summertime, the sun will shine. In winter, we'll drink summer. Every day that you are mine will be a lovely day, as long as love still wears a smile. I know that we'll be two for the road, and that's a Carole Welsman qui vient de chanter Two for the Road, une très très jolie chanson d'Henry Mancini et Leslie Bricusse. La chanson dit Two for the Road, c'est soyons deux pour la vie, partons ensemble en voyage, viens avec moi faire le tour de la terre et partout où nous irons, ce sera un rendez-vous pour nous. Ça, c'est bien dit. Ça, ben, c'est en fait c'est ma version, là, mon adaptation à moi, traduction. Alors, ensemble pour la vie, Two for the Road, et la, c'est la route de la vie. Sinatra était là juste avant de Lady is a Tramp. Il y a eu Green Eyes avec Helen O'Connell et l'orchestre de Joe Ressman. Ça se passe bien? Oui, certainement. Vous écoutez la radio musicale de Radio-Canada. Ici Musique, l'émission C'est si bon qui vous parvient de Montréal. Ici Claude Saussier. Voici maintenant Andy Williams, suivi de Joe Stafford et Bette Midler. There's a summer place where it may rain or storm, yet I'm safe and warm for within. That's your arms reach out to me, and my heart is free from all care. For it knows there are no gloomy skies when seen through the eyes of those who are blessed. A summer place is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their thank you.

Toute une chanson de Rose, la voix de Bette Midler, et une composition d'Amanda McBroom. C'est devenu célèbre pour le film de Rose, qui s'inspirait de la vie de Janis Joplin. Et Amanda McBroom a eu la compositrice, l'auteur-compositeur, a reçu la commande rapidement de son gérant, qui lui a demandé de faire une chanson. Il a besoin rapidement d'une chanson dans le style de Bob Seger. Alors, elle s'est mise au travail. Ça lui a pris 45 minutes pour écrire The Rose. Et quand elle a eu fini, elle s'est aperçue que c'était une chanson qui n'avait pas de couplet. C'était toujours le même qui revenait. Et qu'en plus, il n'y avait pas de ce qu'on appelle en musique le bridge, le pont, ni hook. Mais elle me dit, j'avais beau écouter la chanson, la regarder, elle était parfaite comme ça. Elle avait tellement raison que Bette Midler a gagné le Grammy de chanteuse de l'année et The Rose, la chanson de l'année, dépassant Barbara Streisand et Donna Summer. Fallait le faire. Voilà pour la petite histoire de The Rose, juste avant Claude Léveillé à son piano avec Poisson et Joe Stafford, Some Enchanted Evening de South Pacific. On a le temps d'un beau Dinah Washington, He's My Guy. La voici. Well, he's my guy. care what he does, 'cause he's my guy. I guess he always was. He's careless about me. Sometimes I don't think he tries, but once in a while he'll hug me and smile. Then I can see me in his eyes. Oh, he's my guy. I know he'll always to keep that guy loving me. However he wants me, I'm his until I die. For nobody knows better than I that he's, yeah, he's my guy. He's my guy. I know he'll always be, and I will try to keep him loving me. However he wants me, I'm gonna be his until I die. 'Cause nobody knows better than I that he, he'll always be my guy. Discover that I'm the lover meant for you, and I'd be true, but what's the good of scheming? I know I must be dreaming, 'cause I don't stand a ghost of a chance with you. dreaming, 'cause I don't stand a ghost of a chance with you. It's not for me to say you love me. It's not for me to say you'll always care. Can see this is heaven, and speaking just for me, it's ours to share. Perhaps the glory. Not for me to say. And speaking just for me, it's ours to share. Perhaps the glow of love will grow with every passing day, or we may never meet again, but then it's not for me to say. Not for me to say, Johnny Mathis. Quelle belle grande chanson. Juste avant, il y avait Frank Sinatra. L'émission, c'est si bon. Un petit clin d'œil avant de se quitter, avant de finir l'émission, avec un vieux souvenir pour tous ceux qui sont allés faire des voyages un jour au Mexique ou dans les îles. Voici Los Tres Compadres. nubes de un verde claro y de un jardín encendido. Mi beso es cielo añorado en busca del ser amado. Guantanamera. C'est beaucoup ce qu'on fait, c'est si bon les souvenirs, on se rappelle le passé. Celle-là en est une grosse chanson de rappel, Guantanamera. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. Encore une fois, l'émission C'est si bon. Merci à mes fidèles mousquetaires, Pierre Plante à la technique et notre réalisateur Alexandre Bernard. C'est Claude Saucy qui vous parle. Bonne soirée à notre antenne. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir me quiero echarme esta voz de alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Soy indio de San Andrés y también republicano. Aguanta. Así como tú me ves, ici Marc Hervieux. Cette semaine à l'émission, c'est le plaisir de se promener entre l'opéra, le tango argentin, la chanson napolitaine et encore plus. Quand ça vous chante, dimanche 10h, Maritime 11h, sur Ici Musique. Ici Stanley Péan, à l'émission, des nouveautés de Christine Tassin et les imposteurs, Thérèse Montcalm, Anaïs Renaud, Gabby Hartman et Tierney Sutton. La boîte de jazz, demain 19h, Maritime 20h, sur Ici Musique. Vous écoutez Ici Musique au 88,9 à Victoria. Ici Musique, unique en son genre. Un nomade dans l'oreille. Un nomade dans l'oreille. Un nomade. Un nomade dans l'oreille. Un nomade dans l'oreille. Un nomade dans l'oreille. Un nomade dans l'oreille. Salut à toutes et à tous, c'est Catherine Pépin avec vous, très heureuse de vous retrouver en ce samedi 9 mars, lendemain de la Journée internationale des femmes. On va entendre des voix de femmes qui ont un parcours exceptionnel ce soir, soit parce qu'elles sont des pionnières dans le choix de leur instrument par exemple, soit parce qu'elles portent un message puissant. On commence avec une femme qui a franchi énormément de barrières sexistes, Calypso Rose, Linda McCarthy. Monica Sandy Lewis, son vrai nom. Elle est née dans les Caraïbes, sur l'île de Tobago. Première femme sacrée Calypso King au carnaval de Trinidad et Tobago. Oui, Calypso King, parce que le terme queen au féminin n'existait même pas pour désigner le gagnant de ce concours. Plusieurs de ses chansons parlent des injustices faites aux femmes, comme celle-ci, No, Madame, qui parle de l'exploitation des femmes domestiques. Excellente soirée à tous! has been. No, madame. Je mop up the floor. No, madame. Je empty the pool. No, madame. No, madame. No, madame. No, madame. No, madame. No, madame. No, madame. No, madame. No, madame. They got me meant to leave and go back into Bego. But in madame, she started to grieve. Telling me Rosie no good. She turned and she telling me she gonna raise up my salary. I said, madam, don't worry, I can't take your torment and misery. Let's go to Phoebe, baby. No, madam. You bake it for me. No, madam. You wash the dish. No, madam. You wash the swordfish. No, madam. Calypso Rose, No Madame, qui dénonce les conditions misérables des domestiques. C'est une chanson qui date des années 70, qui a fait bouger les choses d'ailleurs à Trinidad et Tobago, puisqu'en 1974, la chanson a eu un tel impact que le gouvernement a voté une loi pour augmenter le salaire minimum. Ça touchait énormément de femmes domestiques. Calypso Rose, pionnière du calypso au féminin, elle commence à écrire des chansons dès l'âge de 15 ans et naturellement, elle a envie de composer des titres chaloupés comme ceux qu'elle entend autour d'elle, le calypso, mais ça se faisait pas du tout. C'était considéré comme des chansons du diable. Aucune femme ne chantait le calypso. D'ailleurs, elle avait eu une révélation quand elle avait vu deux musiciennes se faire écarter de la scène par un homme. Là, elle s'est dit « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas ». Elle s'est entêtée, elle s'est même brouillée avec sa famille, coûte que coûte, faire du calypso. On va écouter une histoire très semblable, mais on s'éloigne des Caraïbes, on s'en va en Inde avec Gulabi Sapera, chanteuse et danseuse du Rajasthan, fille de charmeur de serpent. Elle aussi a dû se battre pour chanter et danser, en faire son métier. C'était très mal vu dans sa communauté. Elle s'est fait connaître en partie grâce à un musicien français qui s'appelle Titi Robin. Il a même écrit un livre sur elle. Voici Gulabi Sapera avec Reggae Rajasthani. Thank you.

j'aime bien cette باسر هواد من ناس باسر هواد من هراجي نيس باسر هواد من شتاء اللي من نفس الدنيا تمد وقت غير الدنيا تمز ولا ناس ولا شقاق الناس ولا هراجي الناس فيها فوق فن من ورا فن من نفوس نفوس Le groupe Tartite, ça signifie union, pionnier des groupes Touareg menés par des femmes. Elle joue du tachidialt, c'est un assemblage de tambours, notamment ce grand tambour recouvert d'un tissu imbibé d'eau. Alors ça donne cette vibration profonde qui vous prend aux tripes. Et puis il y a les chants et les you-you aussi. Ce sont des femmes qui se sont rencontrées dans des camps de réfugiés dans les années 90 et elles portent sur leurs épaules la survie de la culture Touareg. Parce qu'elles vivent encore aujourd'hui dans des camps ou loin de leur terre. D'ailleurs, elles ont une très belle chanson qui s'appelle « Leilila ». La solitude, la nostalgie et l'inquiétude, il est faux qu'elle tue, car si elle tuait, j'en serais morte en vivant dans des pays où il n'y a ni maman, ni papa, ni mes frères et sœurs. Ce qui est important avec elles, c'est la transmission, hein, transmettre la culture aux plus jeunes. On va retrouver un petit peu plus loin, en Afrique du Nord, une jeune femme marocaine. Elle est originaire de Casablanca. Elle s'appelle Asma Hamzaoui. Elle a quoi, 25-26 ans. C'est la nouvelle passionnariat de la culture Gnawa, cette culture héritée des esclaves de l'Afrique subsaharienne. En 2019, à 21 ans à peine, elle a été la première femme à diriger une lila. Ça, c'est une cérémonie de rituel qui dure toute une nuit. Alors, techniquement, c'est interdit aux femmes de diriger cette cérémonie, mais elle dit qu'il n'y a aucune raison sérieuse à cette interdiction. Il s'agit juste de mauvaises habitudes très ancrées et d'un machisme dont même les femmes se sont accommodées. Tenir une lila jusqu'à l'aube et gérer les transes, cela demande une énergie particulière. La voici, Asma Hamzaoui. Oh, caminho passando nem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando nem. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclave. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclave. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclave. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra sem enclave. Se vou escrever, monta a escrever. Se vou esquecer, monta a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, monta a escrever. Se vou esquecer, monta a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade. Desce minha terra sem enclave. Saudade, saudade, saudade. Desce minha terra sem enclave. Césaria Évora qui chante Saudade, ça fait vraiment partie de la trame sonore du début des années 90, hein, cette chanson-là. Césaria Évora, une voix marquante. À elle seule, elle a réussi à faire connaître son petit pays, le Cap-Vert, dans le monde entier. Elle était tellement attachée à son pays que quand elle était très loin de chez elle, en tournée, elle demandait à aller à la rencontre de la diaspora ou à manger cap-verdien. La réalisatrice d'un documentaire sur elle dit « Césaria Évora n'a pas seulement inscrit le Cap-Vert sur la carte du monde, elle cherchait le Cap-Vert partout dans le monde. » Cette réalisatrice s'appelle Ana Sofia Fonseca, elle est portugaise et elle signe un documentaire qui s'appelle Césaria Évora, la diva aux pieds nus, avec des images d'archives vraiment fabuleuses. Elle a récolté ces images pendant 5 ans. On voit Césaria toute jeune. Le film s'ouvre sur un gros plan sur les pieds nus de Césaria Évora, qui rappelait ses origines modestes et surtout son désir de liberté absolue. C'est ça que ça signifiait, se présenter en public pieds nus. Elle disait « Je n'ai jamais aimé les chaussures, ni aucune autre forme de contrainte. » Dans le documentaire, on entend aussi José da Silva, personnage très important. C'est le producteur qui a propulsé Cesária Évora. Il l'a entendu par hasard dans un petit restaurant au Portugal. Et la suite, ben voilà, c'est 6 millions d'albums vendus, des tournées impressionnantes du Mexique au Japon. Et le producteur ne s'est pas arrêté là. Il a fondé la maison de disques Luz Africa, lusophone et africaine. Il fait connaître d'autres artistes comme Lucy Bella. Flam, pam, flam, nere caro panda, ma também ninguém cata jampanca flam. Esca flam, pam, flam, nere caro panda, ma também ninguém cata jampanca flam. Miki ouvi com o vidro, bravo liso vupu vupu, naquela hora que sol camba. Assim conta, assim pode. Tá tendo quança, quança. Dilimar era galado, dinabidia te pintou. Francês já muda torno. Burinho para sura, para na matuta. Será tiro ser dono. No tafla, no gatafla, boca fichar o tapete. No tafla, no gatafla, língua tamino tem leve. No tafla, no gatafla, jampa de ganga podesta. No tafla, no gatafla, minha papagaio vira flã. A minha é tchetchu, flatin flã, tchetchu, flatin flã, tchetchu, flatin flã, tchetchu, flatin flã. Tchetchu, flá, tchimflá, tchetchu, flá. Tchetchu, flá, tchimflá, tchetchu, flá, tchimflá, tchetchu, flá, tchimflá. Tchetchu, flá, tchimflá, tchetchu, flá, tchimflá, tchetchu, flá. Esca flam, pam, flam, merecado, panda. Mas também ninguém gata jampanca flá. Esca flam pam flam, nerecado panda. Mas também ninguém gata jampanca flá. Miki ouvi cunho pito, bravo liso vupu vupu, naquela hora que sol camba. Assim conta, assim pode, tá tendo quança quança. Já te pintou, francês já muda todo. Burinho para sura, para na matuta, será tiro setor. No tafla, no catafla, boca fichado tapete. No tafla, no catafla, língua também não tem leve. No tafla, no catafla, jampa de ganga pode estar. No tafla, no catafla, minha papagaio vira flã. A minha é tchetchu, flatin flã, tchetchu, flatin flã, tchetchu, flatin flã, tchetchu, flatin flã. Tchetchu, flá, tchimflá, tchetchu, flá. Tchetchu, flá, tchimflá, tchetchu, flá, tchimflá, tchetchu, flá, tchimflá. Tchetchu, flá, tchimflá, tchetchu, flá, tchimflá, tchetchu, flá. No, no, no. 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice, camínale despacito y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Cuando sueño contigo, se dibuja el cerebro. dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Zapata, c'est Queda à l'antenne d'ici musique. Vous écoutez Un nomade dans l'oreille. C'est Catherine Pépin avec vous. Lila Downs, à l'instant, chanteuse mexicaine inspirée par la culture de Oaxaca. Restons au Mexique avec Flor de Toloache. C'est un groupe de mariachi, premier groupe de mariachi 100% féminin. So the soothsayer. Somos porta de entrada e de saída. Somos deusas e escravas há mil gerações. Dentes afiados no escuro de entre as pernas. Veneno na ponta da cauda. Intuitiva e salvaje. Nasceu na hembra com la luna. Sabedora e valiente. Enfrenta mistério e duda. Subirá la colina. Buscará desierto y selva, caerá por el pozo de la furia y de la niebla. Hermana, hermana, oye. En la tierra labrada sembraremos la palta, tejeremos hamacas, entre palmeras haremos champa. Nuestros hijos de todas, compartiendo savia pura, los ancestros bailarán alegres en sus tumbas. Escucha mi canto para ti, nace desde el alma. De nada sirve una sola voz. De entrada y de salida. Somos diosas y esclavas hace mil generaciones. Dientes afilados en lo oscuro de entre las piernas. Veneno en la punta de la cola. Oye. Por llegar hasta su sueño, suben sola en la montaña. Recolectora de lo bueno, en la pena pintan llama. Con su pasión alejan la desgana. Sintiendo el peso de todas sus hermanas. Hermanas. Brujas, putas, locas, santas. Somos las que sangran sin herida. Dueñas del placer, dueñas del dolor. Las invisibles, las peligrosas. Las pecadoras, las depredadoras. Insaciables y generadoras. Los cuerpos, secretas casas. Somos miles de seres de uñas y tetas caminando por los senderos. Somos la tierra y la semilla, carne de alquiler en alma de reina. Las sumisas, las vacantes, las que procrean y las que no. Somos las que evitan el desastre, las que inventan la vida, las que aplazan el fin. Y no le falta nada. Mujer. No le falta nada. Multitud. No le falta el corazón en la fría madrugada. Hermana, master, my sister, no te ponga triste. Escucha este canto que nace desde el alma. La tierra, la sangre, la luna te llama. Somos puerta de entrada. Hermana. Y de saída. Hermana. Hermana. Somos as que sangram sem ferida. Bruxas, putas, loucas, santas. Oh, yeah. Vivir la fuerza, mujer multitud, hermana. Mujer multidão. Hermanas, une chanson féministe très puissante qui me fait un peu penser à une sorcière comme les autres chansons d'Anne Sylvestre. Sorcière, putain, folle, sainte, nous sommes celles qui saignent sans blessure. C'est nous qui évitons le désastre, celles qui inventent la vie, celles qui retardent la fin. C'est un texte de Maria Rezende, une poétesse brésilienne qu'on retrouvait ici en compagnie d'Amparo Sanchez, chanteuse et guitariste espagnole. Un autre projet, tiens, qui s'inspire de la féminité, ça s'appelle Indaba, autour d'une chanteuse sud-africaine, Pilani Boubou, et un quartet jazz oriental, Marthe. Alors, ensemble, ils forment Indaba. Elle s'inspire de chants en Zoulou, en Xhosa, pour raconter l'histoire complexe du peuple sud-africain à travers la voix des femmes. Il y a un album à paraître ce mois-ci. Voici l'extrait « Aou Yazi, Indaba ». Linda Buena. de linda wena de tele no ba fona litini de linda wena how am I why so fona yo how am I why so fona yo Lopananam esa panela, mujer. Traga a panela pra eu bater no fundo dela com o cabo da colher. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Não é? Ô mulher, traga a panela pra eu bater no fundo dela com o cabo da colher. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Eu já vivi muito tempo e vou viver muito mais. Já vi coisa nessa vida de fazer cair pra trás. O mandado é quem faz tudo, o mandador é quem desfaz. O mandado não tem nada, o mandador nem é demais. Qual é? Ô mulher, traga a panela pra eu bater no fundo dela com o cabo da mulher. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Vai, Davi. Quem tem medo fica em casa, quem não tem que vá viver. Caia no meio da rua pra amar ou pra sofrer. Mas sabendo que na vida o mais certo é morrer. E quem nunca teve nada, nada tem para perder, mulher. Ô mulher, traga a panela pra eu bater no fundo dela com o cabo da mulher. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Quero é festa no terreiro, muita farra, empolgação, alegria, dança, samba, a panché, shot, baião. Quero ver sorriso e fogo que nem noite de São João. E que a gente brasileira nunca perca o coração. Pois é. Ô mulher, eita bonita assim. Traga a panela, vambora, bater no fundo dela com o cabo da mulher. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Chega a mesa pro padre e vamos fazer um arrasta-pé. Falou, mulher. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Pois se não tem feijão, ora vamos fazer um arrasta-pé. Foi em uma quarta. Saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí sem te encontrar. Vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, nenhuma resposta, mas um punhado de folha sagrada. Pra me curar, pra me afastar de todo mal. Oh, para raio, bete branca, a saber. Abre caminho, bate o li, para raio, bete branca, a saber. Abre caminho, bate o li. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí sem te encontrar. Vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia, epa babá, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, nenhuma resposta. Mais um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, bate o i. Para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, bate o i. Para raio, para raio, para afastar o mal, para afastar inveja, para atrair o amor, para atrair o que for bom, o que for bom, bom, bom, bom, bom, bom, o que for bom, o que for bom, o que for bom. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Elle s'appelle Luigi Luna, c'est une Brésilienne qui vit à Sao Paulo, une militante afro-féministe. On reste au Brésil avec un autre courant musical, la samba. Là encore, les femmes prennent leur place, mais autrement, parce que pendant très longtemps, la samba était un art réservé aux musiciens masculins. Les femmes étaient présentes, oui, mais à titre de danseuses la plupart du temps, de muses, d'objets sexualisés. Les paroles aussi de chansons très très connues peuvent être sexistes, voire misogynes. Et tout ça est en train de changer, notamment avec Moça Prosa. C'est un groupe de samba 100% féminin. Elles appellent ça la samba de la résistance. Bye. feitas, caídas de uma mangueira. Penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Quando o tempo avisar, eu não posso mais cantar. Sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão, da minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei, Nelson, quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Vai, amigo. Elle s'appelle Beth Carvalho, c'est une femme de Rio de Janeiro. Elle était chanteuse, mais aussi autrice, compositrice et musicienne, guitariste. Une de ces femmes à la reconquête de la samba, parce qu'en plus, on attribue la naissance de la samba à des femmes. À Rio de Janeiro, on retrouvait ce qu'on appelait les tias baianas, les tantes de Bahia, les tantes baianaises, des femmes qui organisaient de grandes fêtes dans leur cour. C'est à l'origine de la samba. Et puis, cette musique a été détournée, en quelque sorte, avec des paroles, je vous le disais, souvent misogynes, même dans des chansons très répandues, qu'on chante un peu par habitude. Et là, il y a toute une nouvelle génération d'interprètes féminines, avec des groupes comme Moça Prosa qu'on a entendu un peu plus tôt, ou celui qu'on va écouter dans un instant, Samba que Elas Querem, c'est le nom du groupe, ça signifie la samba qu'elles veulent. Elles disent marre d'être réduites à des objets sexualisés, on veut montrer qu'on est des musiciennes professionnelles à l'égal des hommes. Levanta a cabeça, meu povo, levanta. Levanta que Ogum chamou pra lutar. Prepara a mandinga, remenda a bandeira. Acende de novo a fogueira no olhar. Faz muito tempo que a sorte não chega. E a gente vai cansando de brigar. Mas a ventania de Oyala do céu que a noite chegou, até novo dia raiar. A gente não come, não dorme, pro nosso tambor não parar. Eles querem que a gente chore, mas nós não queremos chorar. A lágrima vai ser mais bela no dia em que o jogo virar. Vai ser bonita na hora em que o jogo virar. Vai ser bonita, mas nós não devemos chorar. Levantou pra lutar. Acorda que a noite chegou, até novo dia raiar. A gente não come, não dorme, pro nosso tambor não parar. Acorda que a noite chegou, até novo dia raiar. A gente não come, não dorme, pro nosso tambor não parar. Levanta a cabeça, meu povo, levanta. Levanta que Ogum chamou pra lutar. Mama, you did it, and I'm so sorry. Chan Man. Chai Shukariye. Mo Vodji Dilan. Chai Shukariye. Kirindik Mat Shaye. Un mélange ici. Alors d'abord, on a entendu Esma Redzepova, reine de la musique rome, une des premières à chanter en langue romanie à la radio et à la télévision. Elle a ouvert une école de musique aussi pour les enfants défavorisés. Elle a fait des tournées partout dans le monde. Elle a chanté pour Indira Gandhi, entre autres. C'est vraiment un symbole pour les Roms, encore aujourd'hui, même des années après sa mort. Et à l'instant, c'était un extrait du dernier album de La Jegros, chanteuse Argentine. On retourne au Brésil. Ah oui, suivez-moi. Tout un personnage. Anitta, nouvelle icône féministe, reine, elle, du baile funk. première brésilienne à intégrer le top 20 de Spotify. C'est une femme d'affaires, elle sait ce qu'elle veut. Elle faisait enrager les partisans de Bolsonaro quand il était au pouvoir, avec son soutien à la communauté LGBTQ+. La voici, Anita. A mí me gusta, every time you look at me, that way. A mí me gusta, all the dirty things you need, every day. A mí me gusta, en cada detalle que te hago y que me haces bien. It's what I like, yeah, yeah, yeah, it's just what I like, yeah. A mí me gusta. Let's eat the cake like it's my B-Day. Todos los días en mi cumpleaños. Boy, I like it rough, don't take it easy. Can't say yeah, I like it in the band. Me gustan los machos y que con mancuca. Que haciendo el amor me jale en la peluca. Él me dijo que le fascina mi punta. A mí me gusta el dinero, no te confunda. I like girls that kiss on girls, eso me pone on fire, yeah, yeah. I like working on my haters, yeah, yeah, yeah. Yo tengo el sazón de una afro-latina y muevo mi cintura. Shakira, la Cardi, Anita, to fly mamacitas. Bad bitches, me gustan toditas. Creativa. Todas las mujeres son hermosas, pero las más que me gustan son latinas. Ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga se la tira. Al ritmo de la música ella mueve las caderas, se me pone hiperactiva. Hace las cosas y no la pillan, ya, ya, ya. Hemos hecho de todo, tu vida y qué forma y te como yo escojo. Toda esa suciedad la volvería a hacer. Ella es mi alma gemela, los dos somos adictos al ser. A mí me gusta la mujer when they shake it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta when they wanna go and get it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. Not a God to judge all this. Me. Guilmar Gomez, Richard Bona et Angélique Kidjo. Angélique Kidjo qui consacre sa vie à se battre pour l'éducation des femmes, des jeunes filles. Ambassadrice de l'UNICEF, elle doit beaucoup à son papa qui a veillé à ce que ses filles soient scolarisées contre l'avis de tous. Elle dit au Bénin, très souvent les filles sont mariées très jeunes à des hommes choisis par leur famille. Aller à l'école ne fait pas partie du parcours commun, mais mon père savait qu'éduquer les femmes peut anéantir les guerres et enrayer les épidémies. On change de continent, oui c'est très très fort, on change de continent, on s'en va au Portugal, retrouver Marta Pereira da Costa. C'est la seule guitariste professionnelle à jouer le fado, ce genre emblématique du Portugal. Encore là, les femmes, bien sûr, chantent le fado. On pense à la grande Amália Rodrigues, mais jouer de la guitare, ben, c'est réservé aux hommes. Marta Pereira da Costa dit « Quand j'ai commencé à jouer, je n'avais pas ce défi en tête. Seule la passion m'a guidée dans l'apprentissage de cet instrument magnifique et ses sons si spéciaux. » Mais on peut transgresser les traditions. Les femmes qui jouent d'un instrument ont toujours une approche différente. Thank you. Sophie Lukács, joueuse de kora canadienne d'origine hongroise. C'est une des rares joueuses de kora professionnelles. Il y a aussi Sona Jobarté, qui était d'ailleurs en concert hier à Montréal. La kora, instrument par excellence des griots, traditionnellement joué de père en fils. Voilà, c'était Sophie Lukács, qui sera en concert bientôt les 30 et 31 mars au Théâtre Outremont, et puis à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, et ensuite il y a plusieurs villes de Colombie-Britannique dans lesquelles elle va se produire en avril prochain. Une autre Canadienne, pionnière dans la maîtrise d'un instrument, c'est Caroline Planté, première femme au monde à composer et interpréter un album de guitare flamenca. On la retrouve, Caroline Planté, avec son complice Zal Sissoko. C'est là-dessus que se termine l'émission Un nomade dans l'oreille, tout en féminité ce soir. Merci beaucoup à Emmanuel Lambert, au féminin, à la réalisation. Au microphone, Catherine Pépin. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Amusez-vous, ciao! Bonjour, ici Émilie Bibeau. Cette semaine, je vous emmène dans les coulisses du conservatoire, sur le plateau de Annie et ses hommes et sur les planches du TNM. C'est un rendez-vous. La chaîne musicale, dimanche midi, Maritime 13h sur ICI Musique. Salut, c'est Jean-François Brault. Hey, d'après vous, là, c'est où que Johnny Cash a donné son dernier concert au Québec? Ben, pour le savoir, c'est facile. Écoutez Racine Country. Racine Country, dimanche 14h, Maritime 15h, sur ICI Musique. Vous écoutez ICI Musique. Au 88,9 à Victoria. ICI Musique, unique en son genre. Kwek Akina, bonsoir tout le monde, ici Samian, Mino Pijauk, Aminotan. Ce soir, on ouvre avec l'irrésistible Saltwater Hank parce que oui, on veut que ça devienne l'un de vos préférés à vous aussi. Alors, crinquez le volume parce que c'est parti. Bonne émission. Vous n'êtes pas à Racine Country, vous êtes à Minotan. Et ça me rappelle des souvenirs, cette chanson-là, parce que c'est comme quand j'étais jeune sur une réserve indienne, on ouvrait la radio et c'était ça qui jouait. C'était le musicien Chim Chian Saltwater Hank, directement de Prince Rupert en Colombie-Britannique, pour le plaisir de nos oreilles et j'espère pour les vôtres aussi. Et d'ailleurs, j'espère que notre auditrice Marjorie Bourbeau de Val-David est à l'écoute ce soir parce qu'elle nous a écrit récemment pour nous demander de le faire jouer autant que possible parce que c'est vraiment son coup de cœur. Donc, c'était pour toi, Marjorie. J'espère que vous allez bien. Vraiment content d'être de retour à la barre de Minotan cette semaine. Vraiment content. Et encore une fois, cette semaine, c'est extrêmement riche musicalement parce qu'entre autres, on a très hâte de vous faire découvrir les nouveaux albums de Jeremy Dutchert, du jazzman Ojibwe, que j'adore personnellement, Chuck Copenhaze, qui valent vraiment le détour. Aussi, un gros coup de cœur pour le rock alternatif du groupe Tinge, que je connaissais pas, et le R&B de Natasha Fischer. Et que dire de notre découverte internationale de la semaine, le pianiste néoclassique Navajo qui s'appelle Connor Chi, qui devrait vraiment vous toucher droit au cœur. C'est excellent. Que du bon. C'est Minotan, c'est notre promesse. Et sans attendre, on repart en musique avec l'excellent groupe Cliff Cardinal et une chanson vraiment paradoxale, Suicidal Valentine. We'll be right back. Minotan, c'est maintenant sur Ici Musique. C'était la première fois qu'on les diffusait à l'émission, ceux-là. Moi, j'aime beaucoup le petit côté Nirvana, même que Nicolas pensait que c'était un peu Weezer. Et Pascal, elle disait que c'était un peu Pixies. Bref, on vient d'entendre la chanson Big Crush de Tinge. Et Tinge, c'est le nom du groupe de musique mené par Veronica Blackhawk, artiste multidisciplinaire originaire de Lake of Wood en Ontario, une communauté Anishinaabe. Et Blackhawk a un parcours de vie turbulent, instable, et elle dit qu'elle a toujours été à la recherche d'un véritable sentiment d'appartenance. Au secondaire, elle a rencontré ses futurs compagnons de groupe dans une salle de classe, et dans les années qui ont suivi, Blackhawk a écrit une collection de musique pendant les années les plus calmes de sa vie, en essayant de réconcilier ses bonnes et ses mauvaises expériences à travers ses chansons, et ça a donné un premier EP, Big Deep Side, qu'elle a fait paraître avec son groupe en mars 2023 et dont le dernier extrait était tiré. On passe maintenant à Christy Lane Sinclair et un extrait de son excellent album intitulé Super Blood Wolf Moon. There's a accent low tavalo hali yali. Mummy clearly don't know hali yali. Yigi yoga yakugo kai. Hali yali yali yali. There once was a girl up north who danced all night with a man named Jackson. They met at the ball, she fell in love and lost all sense of time. The party people were cheering them on as they danced and they sang and they laughed with each other. They kept dancing until Hali yali, yali, yali, yali, yali, yali. When the sun came up and his ship had sailed away, she never felt so alive. When they were dancing until the morning, on the night when the whalers arrived. Yali yali yali, mommy clearly don't know. Jackson lo tapalo hali yali, mommy clearly don't know hali yali. Iyigi yoga yakugo kai. Hali yali yali yali, mommy clearly. Jackson lo tapalo hali yali, mommy clearly don't know. Bonjour, ici Atamon et vous écoutez Minotan avec Samian sur les ondes DC Music. C'était le DJ Inouk Atamon, toujours aussi excellent, je l'adore lui, avec son morceau Circuitry. On s'en va maintenant vers une nouveauté de la jeune chanteuse Natasha Fischer, super de belle découverte pour moi cette semaine. Elle est originaire de Thunder Bay et membre de la Première Nation Ojibwe de Long Lake 58 en Ontario. Elle a commencé à chanter très jeune à l'église parce que ses deux parents sont pasteurs et elle s'est d'abord fait connaître sur YouTube en 2015 avec un mashup acoustique de 679 de Fetty Wap et de Where You Had the Future et Drake. Et sa vidéo a récolté à ce jour plus de 200 000 visionnements. Quand même pas pire. Et elle chante aussi parfois avec sa sœur Anna sous le nom de Fisher Sister. Mais ce soir, on l'écoute en tant qu'artiste solo avec son single The View qui est sorti en juillet dernier. Et s'il y a des fans de R&B, mais de bon R&B, je pense que ça va vous plaire. Pour la première fois, Minotan, voici Natasha Fisher. Following the tracks, where do they lead me? Going straight to bright lights, just admiring the scenery. I'm on one. I'm on one. I'm in the fast lane, I'm always speeding. Leave you in the dust, cause I ain't needy. I got focus going on. It's something like a movie, casting into what I never think before they're doing. I'm on, I'm on. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby somewhere there's a person who lost a mother, lost a son, lost a friend, lost a brother. Way back they had a fight, never spoke hardly. Now they never get the chance to say I'm sorry. Somewhere there's a little boy who's ready to play first game basketball, but this is sad day. See, dad's had a fight with his moms and he was gone. Now we sad, see another dad cheering his son on. There's a young girl cut in the flesh, suicidal, nothing but death up in the breath, molested by your loved one. The pain is rare, but won't tell anybody cause the shame she feels. And somewhere there's a man cheating on his wife, playing with fire, been a liar all his life. And he laughs at his whole past is stained with sin, and doesn't know his wife's doing the same thing to him. And it's real. It's one life to live, so live it the best you can. It's one life to live, so live it the best you can. Somewhere there's a person who lost a mother, lost a son, lost a friend, lost a brother. Way back they had a fight, never spoke hardly. Now they never get the chance to say I'm sorry. Somewhere a young woman just hit the stage. They throw dollar bills at her, she strips for days. She's getting paid, trying out different ways. She cries herself asleep and says it's okay. And somewhere there's a pastor who prays a lot, but sometimes it feels like heaven's gates are locked. Come Sunday, he's preaching all about his love, even though he knows his daughter's strung out on drugs. And somewhere there's a young man watching his back from the bullies at the school, cause they always attack. See, he always had a hard time making some friends, and if the bullies don't stop, he's gonna take his revenge. And it's real. It's one life to live, so live it the best you can. It's one life to live, so live it the best you can. Hey, Victor, what about your dad? Minotan. So much, I'm just glad I still got my head on. Kish got the ton, Pepsi Diddy dinner, but I'm on point, so am I right? Dead on, Kish got the ton, Puna Jumo Megon. I've been through so much, I'm just glad I still got my head on. Kish got the ton, Pepsi Diddy dinner, but I'm on point, so am I right? Dead on, we got it, guns, so come on, stocks up, go away, Yedlia. You think you're ready for whatever? Not really, yeah, I'm smooth as a skedaddle. I'm a sex believe with dedamo. Once you recognize, you'll have to take it to the grave with you. Delaware, Modali, dedamo. But I can barely move, stuck inside my head, cause I'm aware of something scary and true. Books see your boss, but wait. So they shook when I got stuff to say, but the hate is just not in my veins. I've been through too much to complain. Still doing my best to keep the scheme moving. We'll get the weed, I'm not signal dancing goo. The green so loud, it scream at you. Get you doing head up. Love it when I kick it with the in Mi'kmaq English too. We'll go get grim, we'll get solid. But that's just how it is. Don't bust it, guy, no knowledge. Good and I need some organis. Nisag and Bibuguan, call it quits. My flow like water under the bridge. I'll get a bottle of this. Discard the dawn. Una jumu megon. I've been through so much, I'm just glad I still got my head on. Discard the dawn. Pepsi Diddy Hina. But I'm on point, so am I right? Dead on. I've been through so much, I'm just glad I still got my head on. Kishka Dedan, Pepsi Gedi Gena, but I'm on point, so am I right? Dedan. If you wanna ride, bitch, nigga, I'm no beside chick. X away, no buzz, I give it. Really, nettle dies up. She riding on that pole, though. Baby, get the ideas. I'm throwing all my bands on stage, lit up, and I know she likes it. I hate them. Ridiculous. ridiculous, isn't it? When I spit this shit in Mikalish, get me not on the wheezy up, need up wish we dodge it. Italy, I ulla dip, it la dick. Wapping up, be a egg, need up, making a suspend my dick. Hit up. So when the wet well, get you doing it up on the well, da. Baby, this no body dinko, baby, this come get some. Jugu wet or detta. Daisy cheek, good baby cheek. Body cheek, yes, solid cheek. I can do you not the cheek. The dun, the dun. I've been through so much, I'm just glad I still got my head on. Kishka Dedan, Pepsi Daddy Dina, but I'm on pencil, am I right Dedan? Kishka Dedan, Una Jumu Dedan. I've been through so much, I'm just glad I still got my head on. Kishka Dedan, Pepsi Daddy Dina, but I'm on pencil, am I right Dedan? Wow. On vient d'entendre le rappeur Mick Mack Girl et un extrait de son album Residual qui est sorti en 2020. Je suis vraiment impressionné par cette chanson-là de mélanger à coups de 2 bars, 4 bars l'anglais et le Mick Mack. Et j'étais assis dans l'auto en écoutant cette chanson-là avec mon épouse et puis je n'arrivais même pas moi-même à deviner dans quel dialecte il chantait. Et mon épouse a juste entendu un couplet et elle a dit « Je pense que c'est du Mick Mack ». Et voilà, 1-0 pour ma femme. On s'en va maintenant à Phoenix, en Arizona, pour vous présenter notre découverte internationale de la semaine. Il s'appelle Connor Chi et c'est un pianiste néoclassique Navajo. Il a commencé sa carrière vraiment jeune, à l'âge de 12 ans, après avoir remporté la médaille d'or au World Piano Competition aux États-Unis. Donc, on peut dire qu'on a affaire à un enfant prodige, ou comme dirait Ted Lasso, l'enfant prodigieux. Et à ce jour, Chi a fait paraître 4 albums studio de pièces originales qui s'inspirent des chants et des chansons traditionnelles navajo. Ce soir, on l'écoute avec une pièce de son album Across the Desert, The Long Walk Home, qui est sorti en septembre. Et c'est un album qui a comme inspiration et comme trame narrative le récit du déplacement forcé du peuple d'aîné, connu aussi sous Longue marche, donc de Long Walk, et Connor Chi a voulu rendre hommage à la résilience de son peuple qui a dû marcher des centaines de kilomètres à travers le désert alors que l'armée américaine les a carrément chassés de leur terre ancestrale. C'est quand même puissant comme histoire et vous allez sentir cette puissance-là à travers sa composition. Je trouve ça vraiment intéressant. Voici, on écoute Connor Chi à Minotan. Thank you. Minotan Ode Ici Musique Hut Samian. So far from home, I can't leave now. I have to let it go, I have to get it out. I felt the wind, yes, I heard him. I'll go where I wanna go, I'll be who I wanna be. God nigga unica. C'était Mikunikwe Ottawa, mieux connu sous le nom de la Ginette Renault Atikamekw par les gens de Manouane. Et restez avec nous, on a du Jeremy Dutcher dans pas long, mais pour l'instant, on écoute une chanson qui s'appelle Broke Down Skidook du groupe Twin Flames, et ça se traduit par les skidoux qui brisent tout le temps. Ça, c'est vraiment Rez. If you know, you know. Allô, ici Yayi. Et Chelsea June de groupe Twin Flames. Vous écoutez Minutan sur Ici Musique. Yeah. Ça y est, je vais avoir ça dans la tête pour les prochaines semaines. C'était Kabir Kuba avec une nouveauté intitulée Ashanta, qui veut dire la nuit. Ça pourrait même être notre mot de la semaine, Ashanta, la nuit. Voilà, c'est dit. Et la jolie voix que vous avez entendue, ben, c'est l'artiste Wendat Joanie Picard Légaré. Et parlant de voix émouvante, on vous parle du grand Jeremy Dodger qui nous revient avec un nouvel album qui s'appelle, je m'essaye, OK? Motewolonuwok, qui est sorti le 6 octobre dernier et l'artiste vient tout juste d'entamer une grande tournée qui va l'emmener partout au Canada jusqu'à la fin décembre. Et on se donne un devoir à Minotan de se faire une sortie et d'aller voir Jeremy Dodger dans show. Je l'ai jamais vu en spectacle et j'ai vraiment envie de le voir. Et Linda de Moncton. Merci encore de nous écrire. C'est vraiment toujours un plaisir de te lire. Ben, Linda a ses billets pour Moncton le 19 novembre prochain. J'ai hâte d'avoir ton retour par rapport à ce spectacle. Mais en attendant, on te dédie la prochaine chanson. Voici Jeremy Dodge. Out the gear. Et c'est là-dessus que se termine Minotan cette semaine avec un artiste que j'adore, le trompettiste Ojibwe Chuck Copenhague, qui nous a sorti un album dernièrement qui s'appelle Oshkimanto. Et je veux saluer la meilleure équipe d'ici musique, productrice au contenu Yolaine Maudet, recherchiste Nicolas Vincent Bouchard, et à la réalisation, c'était Pascal Richard, et au micro, c'était moi-même, Samian. Continuez de nous écrire minotan@radio-canada.ca. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Kichimigwech. Bye bye. Mes chers Noctambules, on continue de vous servir avec une conversation de 2 heures autour du questionnaire musical d'une artiste invitée. Question qu'on explore bien son essence. C'est Tabi Ocha qui est à nouveau son la nuit, ce soir minuit, Maritime, 1 heure. Ici Stanley Péan, à l'émission des nouveautés de Christine Tassin et les imposteurs, Thérèse Moncalme, Anaïs Renaud, Gabby Hartman et Tierney Sutton. La boîte de jazz, demain 19h, Maritime 20h, sur ICI Musique. Vous écoutez ICI Musique au 90,9 à Vancouver. ICI Musique, unique en son genre. Mesdames, Messieurs, Monique Giraud, microphone, très heureuse de vous retrouver de l'autre côté de chez Monique. On va ensemble ce soir se rendre jusqu'à la nuit au son de plusieurs nouveautés instrumentales. Je m'amuse toujours en préparant cette émission à écouter tout ce qui se fait de nouveau. Et vraiment, la manne est riche. Plusieurs artistes à découvrir, notamment une collaboration entre un pilote de Formule 1 et Sofiane Pamart. Nous irons jusque-là. On va commencer cette émission avec quelques nouveautés qui m'ont mise en joie cette semaine, mais je vous préviens, c'est pas tout de suite que vous allez vous endormir. Ça viendra un peu plus tard, peut-être avant minuit, je vous autorise, mais ce sera beau pour les prochaines 20 minutes, je crois pas. Merci à vous d'être ici. Bye.

On a entendu dans l'ordre Canvict, Walter et Olio, Hermanos Gutiérrez qui sera en spectacle à Montréal et j'y serai, je suis tellement hâte de les voir en spectacle, Hermanos Gutiérrez à la Place des Arts le 16 mai, et Kurang Bin qui interprétait Love International juste avant la siffleuse australienne, ça me fait toujours drôle de le dire, mais c'est comme ça. Molly Lewis, qui nous proposait son interprétation au sifflet de Porqué Tevas. Voici Clara Isé. Moi, je voulais simplement ton âme. Toi, tu voulais qu'on partage nos charmes. Je pensais, c'est vrai, qu'avec les femmes, je ne pourrais pas embrasser de flamme. Avec toi, mais pourtant, j'ai vécu un amour enivrant et j'ai plongé brûlant mes doigts dans l'océan. Moi, j'ai aimé entièrement ton âme. Toi, troublée, tu as baissé les armes. Tu savais, c'est vrai, qu'avec les femmes tu pouvais parfois allumer des flammes. Ensemble, souviens-t'en, nous vécûmes un amour affolant. Nous plongeâmes brûlants nos doigts dans l'océan. Tu es tigre dans la nuit, m'assassine au pied du lit. Je deviens bête dans sa cage, je vais te mordre.